les hôtes étrangers exaltent l'invincibilité du Parti du Travail de Corée. Le président de l'Organisation d'études des instituts de Thaïlande et le directeur de l'Institut agronomique Kim Il-sung de Guinée ont dit que l'histoire du Parti du Travail de Corée, commencée par la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, est couronnée de victoires et de gloire, et que le monde ne connaît pas encore un parti comme le Parti du Travail de Corée qui a fait progresser victorieusement la révolution et l'édification sans connaître aucune stagnation ni échec pendant de longues années. Saber Baloul, chef de chaire de la faculté de politique de l'université de Damas-Syrie, a dit que le parti qui continue les grandes histoires et traditions est invincible et s'est exprimé certain que la cause révolutionnaire Chuché, commencée par l'Union pour abattre l'impérialisme, sera accomplie à merveille grâce à la direction clairvoyante et chevronnée du Parti du Travail de Corée, conduit par le maréchal Kim Jong-un, grand homme sans pareil.